Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a dirigé sur place le tir d'essai de la fusée balistique stratégique à moyenne et longue portée sol-sol, façon 10. Au poste d'observation, il a écouté le programme de l'essai et donné l'ordre du tir. Le tir d'essai a utilisé le système de haut angle pour simuler la portée maximale. La fusée qui a quitté la rampe de lancement automotrice avec un bruit de tonnerre a monté jusqu'à la hauteur maximale de 1413,6 km en suivant la trajectoire de vol prévue avant de faire la chute exacte dans la zone désignée pour cible à 400 km de devant. L'essai a confirmé les caractéristiques de la dynamique du vol, la stabilité et la manœuvralité de la fusée à notre manière, dont le système est modernisé, les caractéristiques techniques de la structure et du système de puissance d'une nouvelle conception, et vérifié la thermostabilité et la stabilité du vol de la pointe de combat dans l'espace du retour. L'essai a assuré la puissante garantie scientifique et technique pour le développement du futur système d'armes stratégiques. L'essai a réussi sans aucune influence sur la sécurité des pays voisins. Très satisfait du résultat de l'essai, le camarade Kim Jong-un a affirmé. Le secteur de la science de défense nationale a remporté une nouvelle victoire dans la campagne de 200 jours pour la création comme dans la campagne de 70 jours à la joie de tout le pays. La nouvelle de cette grande victoire sensationnelle inspire la confiance et l'optimisme en la victoire à notre armée et à notre peuple. C'est l'événement important qui manifeste clairement de nouveau notre force et l'invincibilité de la Corée du Tsutse. Le camarade Kim Jong-un a dit qu'à travers le développement de l'arme stratégique, on a confirmé de nouveau la vérité que la décision du parti est justement la pratique de la Corée et manifesté avec plus de force le prestige et le leadership de notre parti avant d'apprécier haut l'esprit inflexible et le style de lutte des cadres, des hommes scientifiques et des techniciens du secteur de la science de défense nationale qui, en comptant sur leurs dirigeants et leurs partis et avec le patriotisme brûlant et la fidélité infinie, ont réussi au tir d'essai de la fusée balistique stratégique à moyenne et longue portée qui fait l'objet de l'intérêt très particulier du parti. Il a fait remarquer que seul le profil du vol de la fusée permettra non seulement aux ennemis, mais aussi au monde entier, d'estimer comme il faut sa puissance, et a dit plein de fois qu'on est arrivé à posséder la capacité certaine d'attaquer réellement et sur tous les plans les impérialistes américains dans la zone d'opération du Pacifique. Il a déclaré que pour défendre fermement la sécurité de notre patrie et de notre peuple contre la menace permanente des forces hostiles, y compris les États-Unis, nous devons nous aussi avoir un moyen d'attaque puissant capable de menacer les ennemis en permanence et inviter à continuer à étendre et à renforcer la capacité d'attaque nucléaire préventive et à développer des armes d'attaque stratégiques variées. Il a fait remarquer que le vrai ennemi de nos forces armées nucléaires est justement la guerre nucléaire et qu'il nous faut augmenter constamment la capacité d'attaque nucléaire pour défendre la patrie, le peuple et notre révolution contre la menace nucléaire de l'impérialisme américain. Il a souligné que le dernier tir d'essai est une occasion importante d'augmenter plus la capacité d'attaque nucléaire de notre État et qu'il faut implanter plus parfaitement le système de direction et de gestion unique des forces armées nucléaires stratégiques. En signe de félicitations à la réussite, le camarade Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les personnes chargées de la science de défense nationale qui ont participé au tir d'essai. Il a exprimé la certitude que les cadres, les hommes scientifiques et les techniciens du secteur de la science de défense nationale ne resteront pas satisfaits du succès, mais redoubleront d'efforts pour perfectionner à un niveau plus élevé les moyens d'attaque stratégique et opérer de nouveaux prodiges et innovations dans les recherches et la fabrication des armes et du matériel de guerre.